السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نقرأ في كتاب أحد الأئمة الأعلام ألا وهو العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وإن هذا الدين العظيم القويم ينبني على أسس عظيمة وأركان متينة، وهو الدين الذي رضي الله سبحانه وتعالى لعباده. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. Cette religion est le plus grand bienfait par lequel Allah Azza wa Jal nous est comblé. Et cet islam parfait, complet, repose sur des bases solides et des fondements des plus solides en matière de croyance, d'adoration, de comportement, de méthodologie, de chemin à suivre. C'est cette religion qu'Allah Azza wa Jalla a agréée pour nous. Il nous dit dans son livre: Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. La religion chez Allah est l'islam. Et celui qui recherche en dehors de cet islam une religion, Allah ne l'acceptera jamais de lui. Allah ne l'acceptera jamais de lui. Et cet islam repose sur 5 piliers. Bouni al-islam wa ala khams. Comme dans le hadith, l'islam repose sur 5. Mais parmi ces 5 piliers, al-hajj, le pèlerinage. Et le moment du hajj, le début du hajj est très proche. Parmi les choses les plus profitables pour celui qui s'apprête à accomplir le hajj, ou bien qui a l'intention de faire le hajj prochainement ou dans les années à venir, il y a le fait d'étudier et de lire ce qu'ont écrit les savants de l'islam à ce sujet. Et parmi les meilleurs écrits résumés, il y a le livre du grand savant Ibn Baz rahimahullah ta'ala, qui s'intitule At-Tahqiq wal-Idah li kathirin min masail al-Hajj wal-Umrah wal-Ziyara ala dhaw al-Kitab wa Sunnah. Donc l'avis juste et l'éclaircissement au sujet de nombreuses questions relatives au pèlerinage, à la Umrah et à la visite. Le tout selon le Coran et la Sunna. Cet écrit, Cheikh Abdel Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, l'a fait très tôt. Il l'a écrit très tôt. Et malgré ça, Allah Azza wa Jal y a mis énormément de baraka. Et il a été imprimé des centaines de milliers de fois de son vivant et après sa mort. Et il a été traduit dans de nombreuses langues. Subhanallah. Et il fut questionné, l'auteur lui-même fut questionné, rahimahullah ta'ala, au sujet des livres, de ses livres, de ses écrits qu'il aimait le plus. Il a répondu ce livre-là. De par la grande baraka qu'il a eue et de par la grande réforme que ça a eue dans le hajj des gens, ça a corrigé beaucoup de gens dans leur pèlerinage. L'auteur lui-même dans sa muqaddim a dit: Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق على إيضاح وتحقيق وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جمعت لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل. النودي رحمه الله تعالى qu'il a mentionné les rites de manière résumée et que c'est un éclaircissement et Il expose clairement beaucoup de questions relatives au pèlerinage, à la Umra et à la visite. Quand on dit la visite, c'est-à-dire la visite de Medina, la ville du prophète alayhi salat wa salam. Le tout en me basant sur le Coran et la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. J'ai uni ce recueil pour moi. Ibn Baz nous dit qu'il a fait ça pour lui-même. Il a réuni les questions de science, il les a mis dans un même livre, pour lui-même, rahimahullahu ta'ala, et pour ceux qu'Allah aura voulu parmi les musulmans. Il nous dit qu'il a fait beaucoup d'efforts. Et la première fois qu'il a été imprimé, c'était en 1363. Et qui a été la cause de cela? C'est Al-Malik Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Al-Faisal, rahimahullahu ta'ala. Puis, il a été imprimé à de nombreuses reprises. Par la suite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a repris ce livre, il a ajouté des choses, il a corrigé des choses, et ainsi de suite. La seconde introduction nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa aqibatu lil muttaqina, wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasuli. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه ومنبغي لمن أراد السفر لأدائه وبيان مسائل كثيرة مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه إن جاء رحمه الله تعالى qu'il s'était forcé de se baser sur ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna. Et qu'il a réuni cela pour être un bon conseiller pour les musulmans et sincère envers eux. Le tout pour appliquer la parole d'Allah Azza wa Jal et fait le rappel, car le rappel est profitable aux croyants. Puis il a mentionné le verset dans lequel Allah Azza wa Jal prend l'engagement des gens de science d'exposer le livre et de ne pas le cacher. Et la parole d'Allah wa ta'ala al-birri wa taqwa. Et entraînez-vous dans la piété, ou plutôt dans le bien et la piété. Puis il a mentionné le hadith, Ad-dinu al-nasiha, thalathan, qila liman ya Rasulullah, qala lillah, wa li kitabi, wa li rasuli, wa li a'immati al-muslimin wa a'ammati. La religion, c'est le conseil sincère. Il a dit cela à trois reprises. Il lui fut dit envers qui? Au messager d'Allah. Il a dit envers Allah, son livre, son messager, les dirigeants parmi les musulmans et le commun des musulmans. Puis il a invoqué Allah Azza wa Jal afin qu'il fasse de cet écrit une chose sincère à la recherche de sa noble face et une cause pour l'entrée au paradis. Le premier chapitre qu'il mentionne, c'est l'épreuve de l'obligation du Hajj et de l'Amra et l'obligation de s'empresser d'accomplir cette obligation. Allah dit dans le Coran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ سَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. C'est une obligation envers Allah. C'est une obligation de l'ensemble des gens envers Allah que d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. On nous montre aussi dans le hadith qu'on a déjà mentionné que c'est un des piliers de l'islam. Et dans le verset وَلِلَّهِ, le lème ici, c'est ce qui nous montre que le pèlerinage est une obligation. Par la suite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, mentionne le deuxième chapitre et nous dit fi wujubi tawbati min al-ma'asi wal khuruji min al-madhalim. Ce chapitre est sur l'obligation de se repentir de l'ensemble des péchés et de sortir de toute injustice, c'est-à-dire de rendre, de s'acquitter des devoirs qu'on a envers les autres, de restituer le droit d'autrui. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العود فيها، وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit: celui qui a la ferme intention de voyager au pèlerinage ou à la umra, il lui est recommandé de faire des recommandations à sa famille et à ses compagnons, leur recommander la crainte d'Allah. Et la piété, c'est le fait d'obéir à Allah et de s'éloigner de sa désobéissance. Et il lui convient, s'il a des dettes, de les écrire et de prendre des témoins pour cela. Aussi, il lui est une obligation de s'empresser de se repentir de l'ensemble des péchés. Car dans Surat An-Nur, Allah Azza wa Jal nous dit sur la traduction: « Et repentez-vous tous auprès d'Allah, ô vous les croyants, afin d'obtenir le succès. » Et la réalité du repentir est le fait de délaisser les péchés, de cesser d'arrêter la désobéissance et de regretter pour ce qui est passé, et d'avoir la ferme intention de ne plus jamais y retomber. Ça, c'est si c'est entre lui et Allah. Et si c'est entre lui et une personne qu'il a opprimée dans son être, dans ses biens ou son honneur, alors il doit restituer le droit de la personne et lui demander pardon avant de voyager. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui a opprimé une personne, qu'il s'en défasse aujourd'hui. Celui qui a opprimé son frère, qu'il règle ce problème-là aujourd'hui, que ce soit de l'argent ou dans son honneur, qu'il règle cela aujourd'hui avant qu'il n'y ait plus de dinar ni de dirham, qu'il n'y ait plus de pièces d'or ni pièces d'argent. Si il a des bonnes actions, il remboursera avec. Et au mal qiyama, il n'y a plus d'excuses possibles. S'il a des bonnes actions, il va donner ses bonnes actions à ceux qu'il a opprimés. Et s'il n'en a plus, alors ils vont se décharger de leurs péchés sur lui. Ils vont lui donner leurs péchés. Aussi, il nous dit, rahimahullah, qu'il convient à celui qui souhaite faire ce voyage de dépenser de l'argent halal et de prendre des provisions halal. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Dans le hadith, certes Allah est bon pur, il n'accepte que ce qui est bon et pur. وينبغي للحاج استغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم: وما يستعفف يعفه الله وما يستغني يغنيه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليست في وجهه مزعة لحم. Il faut prendre des provisions licites, car Allah est bon pur et n'accepte que ce qui est bon et pur. Et il convient aux pèlerins de se mettre à l'abri de ce qu'il y a dans les mains des gens. C'est-à-dire, il ne doit pas tendre la main et demander. Pour faire son hajj, il ne doit pas tendre la main et demander. Durant son hajj, il ne doit pas tendre la main et demander. Mais il doit se mettre à l'abri du besoin. Et il ne doit pas demander. Et certes, celui qui se met à l'abri du besoin ou qui s'empêche de demander, Allah Azza wa Jal va lui permettre de, il va lui accorder la suffisance. Et dans le hadith, l'homme ne cesse de demander aux gens jusqu'à ce qu'il arrive au Al-Qiyam et il ne lui reste plus de viande sur son visage. Un autre conseil de ce grand imam: wajibu al-hajj an yaqsuda bihajjihi wa amrati wajh Allah wa ad-dar al-akhirah wa at-taqarrub إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة مفخرة بذلك فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب حبوط العمل وسبب الحبوط وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها هم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى نغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركت وشركه. Le conseil suivant, c'est l'intention et sa pureté pour celui qui voyage pour le Hajj ou bien l'Umrah. Il doit viser à travers ce voyage, à travers cette adoration, que le visage d'Allah. Il doit viser l'au-delà et chercher à se rapprocher d'Allah et chercher son agrément dans ces différentes nobles étapes. Il doit faire attention et très attention à rechercher à travers ce voyage-là ce bas-monde. Il ne doit pas vouloir à travers ce voyage-là les éloges des gens ou bien se vanter, car certes cela ferait partie des pires intentions en faisant le Hajj ou bien la Umrah. Et dans le verset, celui qui veut ce bas monde, la vie de ce bas monde et ses plaisirs, on lui accordera. Et il ne sera en rien lésé. Voici ceux qui n'auront aucune part dans l'au-delà. Si ce n'est l'enfer, et leurs actions deviendront vaines. Ici, on nous dit celui qui prend les actions de l'au-delà. Et il recherche à travers cela ce bas monde. Ben on va lui donner. Lui cherche à te donner, on va lui donner. Selon ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Mais dans l'au-delà, sa destination sera l'enfer et il n'aura aucune autre récompense. Et on annule ses bonnes actions. Et celui qui veut la vie présente, on lui accordera à qui nous voudrons. C'est-à-dire même ça, celui qui vise la dunya, ce n'est pas garanti qu'il obtienne. L'iman nourid, c'est pour celui qu'Allah Azza wa Jalla aura voulu. Mais après ça, c'est l'enfer qui l'attend. Et dans le hadith, il a été authentifié du Prophète sallam qu'il a dit, le Très-Haut, Allah dit, je suis celui qui se passe le plus associé, celui qui fait une action en me mettant en associé, je le délaisserai lui et son association. Le conseil suivant, ينبغي له أيضا أن يصحب في سفر الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. Très important. Il lui convient de prendre durant ce voyage une compagnie pieuse parmi les meilleurs gens, parmi les gens de l'adoration d'Allah, de la piété et de la science. Il doit faire attention à aller avec les sots, les faibles d'esprit et les pervers. Conseil suivant, ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حج وعمرة ويتفقه في ذلك أسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. Conseil suivant, c'est l'apprentissage avant la mise en pratique. Et il lui convient d'étudier ce qui lui a été légiféré durant le Hajj et l'Umra, et d'étudier ces questions-là, particulièrement celles qui peuvent être problématiques, afin qu'il soit sur une clairvoyance dans son affaire. Quand il monte sur sa monture ou bien dans l'avion, il lui est recommandé. Là, l'auteur va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait concrètement lors du voyage. Il dit Bismillah. Puis, Subhanahu, يعني ويسمي الله سبحانه وبحمد ويحمده ثم يكبر ثلاثا الحمد لله سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعد اللهم أنت صاحب في السفر وخليفة في الأهل اللهم أني أعوذ بك من وعثاء السفر وكبات المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Donc ça c'est la dua du voyageur lorsqu'il quitte ses habitations. Durant le voyage, il fera beaucoup de dhikr, beaucoup d'istighfar, beaucoup de dua, lecture du Coran en méditant ses sens. Il préserve les cinq prières en groupe, il préserve sa langue des on-dit et de parler dans ce qui ne le concerne pas. Il ne dépasse pas les limites dans la plaisanterie. Il préserve sa langue du mensonge, de la médisance, du colportage, de la moquerie. Il lui convient d'être bienfaisant envers ses compagnons et de retenir toute nuisance. Le chapitre suivant, Fima yaf'al al-hajj 'inda wusuli ila al-miqat. Que doit faire le pèlerin lorsqu'il arrive au miqat? Bi'ikhtisar, en résumé, le prophète sallam s'est lavé. Aïcha l'a parfumé et on voyait la trace du parfum sur sa tête. Puis il a mis rida wal izar, il a mis le vêtement du haram en bas et en la sunna c'est que ce soit blanc, bien propre et ainsi de suite. On ne parfume pas le vêtement du haram, mais on se parfume nous et ensuite si on le met, que le parfum touche le vêtement, il n'y a pas de mal. Quant au fait de s'épiler, de se couper les ongles, c'est pas en rapport direct avec le hajj, mais du fait que le pèlerin soit en état d'ihram, on lui dit de le faire avant, car il ne pourra plus le faire jusqu'à être sorti de son état d'ihram. Celui qui veut sacrifier, il ne lui est pas permis de prendre de ses cheveux, de ses poils, il n'est pas permis de... de se couper les ongles et autres. Ça... c'est pour celui qui prend la bête. Ça, c'est pour celui qui achète la bête. Quant à celui dont le travail est de sacrifier, il n'est pas concerné par ça. C'est l'avis de certains savants, comme Ibn Baz va mentionner ici, c'est celui qui, en gros, c'est celui qui paye la bête qui doit s'abstenir. Quant aux cheveux, pour celui qui fait l'Umra ou le Hajj, c'est une obligation, alors il le fait quand même. Même s'il est dans les 10 jours. Il le fait quand même. Parmi les fautes répandues, Ibn Baz nous dit « Wa amma al-lahya fa yahrum halquha wa akhd shay'in minha » Il n'y a pas parlé de l'épilation haute, il dit par contre la barbe, il nous dit c'est interdit de la toucher et de prendre quoi que ce soit de la barbe. Il dit ceci est interdit, quel que soit le moment, et l'obligation c'est plutôt de la laisser pousser. Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma nous dit, le prophète sallam a dit « Khaliful mushriki » Distinguez-vous des associateurs. Wafiru liha wa hifu ashawarib. Laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches. Il a mentionné les hadiths dans ce sens-là. Par la suite, lorsqu'il remonte sur sa monture pour partir. Et là, il va dire « Labbaik Allahumma Umrah » et après avoir mis l'intention d'accomplir la Umrah. Là, il va commencer par une Umrah. Donc, il dit « Labbaik Allahumma Umrah » ou « Labbaik Umrah ». Plus tard, le huitième jour, il dira « Labbaik Allahumma Hajj ». Le prophète, alayhi salatu wassalam, a prononcé cela à plusieurs reprises. Et chacun parmi les sahaba a rapporté ce qu'ils ont vu. Puis il a mentionné le chapitre sur Al-Mawaqit, Al-Makaniya, Tahdiduha. Il y a les endroits qu'on n'a pas le droit de dépasser alors qu'on a l'intention de faire le Hajj ou la Umrah, si ce n'est en étant en état d'Ihram. Il mentionne certaines questions religieuses. Il mentionne que l'enfant, même qui n'a pas atteint la puberté ou le discernement, il peut faire le Hajj. Et les parents s'en voient récompensés. Puis il mentionne fi bayan mahdhurat al-ihram, les choses que nous n'avons pas le droit de faire en état d'ihram, wa bayanu fi'li al-muhrim. Wa ma yubahu fi'luhu lil-muhrim, ce qui est permis. Donc premièrement, prendre de ses poils, ses pilets ou ses cheveux. Deuxièmement, prendre de ses ongles. Troisièmement, se parfumer. Toutes ces choses-là sont interdites. Tout ce qui est façonné parmi les vêtements sur les membres à l'image de l'homme, comme le kamis et autres, c'est proscrit en état d'Ihram. C'est proscrit en état d'Ihram. Et les savants ont dit Al-Mahid pour résumer et pour résumer. Non pas que tout ce qui comporte une couture soit interdit, mais ce qu'ils veulent par le Mahid, c'est ce qui est façonné à l'image de l'homme. Comme un maillot, comme des chaussettes, et ainsi de suite. Non pas que s'il y a une couture, c'est interdit. À supposer que sur l'extrémité du haram il y a une couture pour pas que les fils partent comme ça, c'est pas interdit. Sur toutes les sandales il y a des coutures, c'est pas interdit. Certaines choses que les gens pensent interdites alors que ça ne l'est pas. Par exemple, se laver. En état d'Ihram, c'est permis de se laver. Ce qui n'est pas permis, c'est de mettre du parfum. Il est permis aussi d'utiliser du gel douche ou du savon. Mais il ne faut pas qu'il soit parfumé. Donc la personne, elle peut se laver. Il est permis aussi de mettre une ceinture. Il est permis de mettre une sacoche. Il est permis de mettre une montre, des lunettes ou autre. Bien évidemment, c'est permis de laver les vêtements, mais il ne faut pas mettre de gel douche, de savon ou d'adoucissant qui sera parfumé. Ensuite, tu te mets en état d'Ihram avec ce vêtement-là. Non. Soit la personne le lave, elle enlève l'odeur, soit elle doit prendre un autre Ihram. Si elle a parfumé le vêtement du Ihram. Les choses proscrites gravement en état d'Ihram, c'est les rapports avec la femme. Il y a aussi le fait de contracter un mariage ou de marier. Aussi, l'homme a l'interdiction de couvrir sa tête avec une chose directe. Donc on peut couvrir la tête, protéger le soleil, mais pas que ça touche directement la tête. Contracter un mariage, c'est interdit. Mais marier aussi, c'est interdit. Se marier, c'est interdit. Être épousé, c'est interdit. Pour la femme, donc. pour le prétendant et pour le père qui marie, ces trois-là en état d'ihram ne peuvent pas faire ça. Ne peuvent pas faire ça. Le parfum, on l'a mentionné. Mais celui qui par oubli, il fait une chose, par oubli, il coupe un bout d'ongle, par oubli, il met du parfum, par oubli, par oubli, tout cela, il s'est excusé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses qui nous concernent un peu moins, as-sayd, la chasse. On t'a dit haram, la personne ne doit pas chasser. Aussi, le fait de déterrer ou de couper des arbres. Le fait de déterrer ou de couper les arbres du haram. Ou bien son herbe. Son herbe. Tout cela nous a été proscrit. Donc il faut connaître les mahdourat, les haram, les choses qui en état de haram, on n'a pas le droit de faire. Pour finir, que fait le pèlerin quand il arrive à Mecca? Quand il arrive à Mecca, la sunna, il se lave. S'il est arrivé à la Kaaba, il arrête la talbiya. Certains disent, quand ils voient les habitations de Mecca, d'autres disent la Kaaba, il y a une divergence. Il arrête la talbiya. Il se lave avant de commencer ses rites. Il se lave avant de commencer ses rites. Et il ne découvre pas son épaule à ce moment-là, ce qu'on appelle l'itibar. Mais il découvrira son épaule que pour le premier tawaf. Que pour le premier tawaf. Il est en état d'ihram, il est avec les rida et l'izar. Son épaule gauche en direction de la Kaaba. Il commence par la pierre noire. S'il peut, il l'embrasse. S'il ne peut pas, il la touche, il embrasse qu'il a touché. S'il ne peut pas, alors il fait un simple geste de la main avec sa paume. Il dit Allahu Akbar. À chaque fois qu'il passe à la pierre noire, il dit Allahu Akbar. Ça, c'est ce qui est authentifié du Prophète. Et on a aussi le hadith Bismillah, Allahu Akbar. Ça, c'est le athar de Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma. Il a découvert son épaule, ce qu'on appelle l'ittiba. Ça, c'est pour le premier tawaf complet. Et dans les trois premiers tours, il accélère le pas en rapprochant les pieds, ses pieds les uns des autres, l'un de l'autre. Il doit avoir al-wudu pour faire le tawaf. Et s'il le perd, il reprend au début du tour qu'il a manqué. Arrivé au coin yéménite, c'est l'avant-dernier, il dira Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Arrivé à la pierre noire, comme d'habitude, il dit Allahu Akbar. Et il fait ça jusqu'à la fin. Quand il finit, il va prier deux raka'a. Il va attakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Il prie deux raka'a. Il récite le Fatiha, le kafirun, le Fatiha, qul huwallahu ahad. Il boit de l'eau de Zamzam, il s'en verse sur la tête, il va à Safa et Marwa. À chaque mot, il dira Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, jusqu'à la fin. Puis il fera le dua en levant les mains. À deux reprises, il fera les invocations trois fois. Il commence à Safa, il finit à Marwa, cette année. Et au milieu, il accélère le pas, il court même en disant Rabbi ghfir warham wa antal azul akram. C'est entre les deux faisceaux lumineux. Luminé vert. Quand il finit cela, il lui reste qu'à se raser la tête et il a fini sa Amra. S'il rase, c'est plus méritoire, il a trois invocations du Prophète. Et s'il veut, il diminue seulement, mais il a une invocation du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, la personne a fini sa Amra, elle sort de l'état d'Ihram. Puis elle attend le huitième jour de Dhul-Hijjah, elle se remet en état d'Ihram, mais cette fois-ci de l'autel. Cette fois-ci, de l'hôtel. Et cette fois-ci, elle ne dit pas la baik Allahumma Amra, mais Hajj. Là, c'est un Hajj. Naam. Lorsqu'il va pour faire le sa'i, il dit Inna safa wal marwata min sha'irillah. Faman hajja al bayt wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihim. Wa man tatawa'a khayran fa inna Allah shakirun alim. Il avance à arriver à As-Safa, il dit Abda'u bima bada' Allahu bi. Je commence ce par quoi Allah a commencé. C'est-à-dire, dans le verset, on commence par la mention de quoi? As-Safa. Alors lui, il va commencer par As-Safa. Par la suite, après s'être coupé les cheveux, il a fait Nisa'am. Il attend le 8e jour de Dhul Hijja, il se met en état d'Ihram et le matin, il va à Mina. Et ce jour est recommandé, pas obligatoire ni un pilier, mais il ne convient pas de le délaisser sans cause. Il y reste, il reste à Mina, il mentionne Allah Azza wa Jal, adore Allah Tabaraka wa Ta'ala, et il prie chaque prière en son temps. Si ce n'est que, au lieu de faire le Dhahr 4 rak'at, il en fait 2. Pour le Asr, pareil, pour le Isha, pareil. Il fait le Taqsir, mais sans faire le Jama'a. Le lendemain, c'est Arafah. Naam, le lendemain, c'est Arafah. Inch'Allah Ta'ala, vous étudierez cela prochainement. C'était pour mentionner les recommandations du grand savant, de l'imam Abdul Aziz, Ibn Abdillah, Ibn Ibaz, Taqwallahi Subhanahu wa Ta'ala, wa husn al-niyya wal-ikhlas, naam, wa taubatu al-nasuh, wa suhbatu al-akhiyar, ahli al-ilm, naam, wal-nafakatu al-tayyiba. Donc toutes ces recommandations, on essaye de les retenir, de les appliquer. Le fait d'être sincère, de craindre Allah Azza wa Jal, le fait de rechercher par le hajj l'agrément d'Allah, le fait de ne pas rechercher la dunya à travers ces adorations-là, le fait de dépenser de l'argent qui est halal, s'éloigner du haram, le fait de faire un repentir sincère avant d'entamer le hajj, le fait de dédommager ce qu'on a pu opprimer avant de voyager, le fait d'écrire si on a des dettes et en présence de témoins. نعم ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أيمن علينا وعليكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح ويوفقنا إلى كل خير ويتجاوز عنا سيئاتنا إنه تواب رؤوف رحيم والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله.